Aucun danger n'est si grand que celui de ne pas se croire en danger, de se croire invulnérable, hors d'atteinte. Pour le prouver, nous pourrions nous servir de bien des illustrations, et ceci dans beaucoup de domaines. Je me limiterai à deux. Au sud de la France, il y a une ville merveilleuse, différente de tant d'autres, impressionnante, ce qui lui vaut un grand mouvement touristique. Je l'ai visitée, elle m'a beaucoup frappé. J'aimerais bien savoir à quelle ville vous pensez. Moi, je parle de Carcassonne, cette ville moyenâgeuse avec ses deux enceintes séparées par des lys, avec ses tours flanquées dans les murs. Une forteresse réputée imprenable. L'histoire nous relate qu'en une certaine occasion, la ville fut assiégée. On se servit alors d'un acte de ruse et de trahison avec parjure, ce qui obligea la garnison de livrer la ville à l'ennemi. La tromperie a eu la victoire sur la ville fortifiée et imprenable. Le 14 avril 1912, au large de Terre-Neuve, le transatlantique le plus moderne et le plus rapide du monde, propriété de la White Star Lines, s'est heurté contre un iceberg, ce qui a coûté la vie à 1513 personnes. Pourtant, constructeurs, propriétaires, équipage et passagers étaient sûrs que le Titanic ne pouvait pas faire naufrage. Oui, chers auditeurs, quel danger que de se croire hors d'atteinte! Ce danger existe pour tous, et cela dans bien des domaines. Mais nous nous contenterons, une fois de plus, de porter nos regards sur les disciples apôtres de l'Évangile, et avec l'aide de Dieu, nous tirerons des leçons pour nous. Nous parlons de disciples, d'hommes qui ont obéi, qui ont suivi le Seigneur, et dont il nous est dit, « Ses disciples crurent en lui. » Et cependant, un des dangers qui guette le disciple est le manque de foi. Ils avaient bien demandé un jour au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Toutefois, au bas de la montagne de la Transfiguration, les disciples étaient bel et bien inclus dans les reproches du Maître. Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Dans ce même récit, il est question d'un père qui a cherché du secours pour son enfant possédé d'un esprit muet. Les disciples n'ont pu apporter aucun soulagement, et ainsi le Père a dit au Seigneur Jésus, « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » À quoi Jésus lui a répondu, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Saisi, confondu, le Père s'écrie, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Quelle merveilleuse prière! Que de disciples d'aujourd'hui devraient humblement faire cette même prière! Venons-en maintenant à l'expérience des deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Après sa résurrection, le Seigneur les rejoint en chemin et il sera obligé de les reprendre. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes! Ce qu'ont dit les prophètes? Ce point est très important. Le Seigneur voulait que leur foi soit fondée sur la parole écrite de Dieu. Dans l'évangile de Jean, il est dit de deux autres disciples. Car ils ne comprenaient pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Nous avons déjà vu précédemment l'incrédulité de Thomas, l'un des disciples. La fin de l'évangile de Marc nous dit qu'après sa résurrection, Jésus leur reprocha leur incrédulité. Oui, tous les disciples étaient sujets à ce danger. C'est pourquoi prêtons attention à l'avertissement divin. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Un autre danger du disciple est celui de l'orgueil. Vous croyez-vous humble? Écoutez alors le chuchotement des douze pendant qu'ils traversaient la Galilée avec Jésus. « De quoi discutiez-vous en chemin ?» a demandé Jésus à ses disciples. C'est le silence, mais l'Évangile nous dit. « En chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. » « Oui, le plus grand. Par nature, cela est dans notre cœur, même si ce désir est camouflé d'humilité. Seul Jésus peut nous revêtir de la vraie humilité, nous faire la grâce d'avoir la disposition d'être le dernier de tous, le serviteur de tous. Tout dans ce monde nous pousse à vouloir être grand, à être le premier. Seule la parole de Dieu nous exhorte. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Chers auditeurs, je crois qu'en réalité, nous avons besoin chacun de dons surnaturels, oui, de dons spirituels, pour ne pas succomber à l'orgueil. Parlons maintenant de la présomption. Quelle est la différence avec l'orgueil dont je viens de parler? Elle n'est peut-être pas très grande, mais voici ce qui les distingue. L'orgueil, c'est vouloir être plus que les autres, alors que la présomption, c'est se surestimer. L'Évangile nous l'explique encore mieux que le dictionnaire. Lisons en Matthieu 26, 31 à 35. La scène se déroule à la montagne des Oliviers, le soir de l'arrestation de Jésus-Christ. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Dans les paroles de Pierre, nous voyons son orgueil quand il se réfère aux autres. Pour les autres, peut-être, Jésus pouvait être une occasion de chute. Mais pour lui, Pierre, ce n'était pas possible. Mais quand il insiste et fait ses promesses, il présume de lui-même, il se juge plus fort qu'il ne l'est en réalité, ce qui ressort des paroles comme « Jamais pour moi, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort, je donnerai ma vie pour toi ». Notez cependant que tous les disciples dirent la même chose. Oui, il est vrai, Pierre allait plus loin que les autres, tout à fait selon sa nature exubérante. Ô chers auditeurs, ne présumons pas de nous-mêmes, car notre ennemi c'est Satan qui veut nous faire passer par le crible. Vous vous jugiez humble et vous avez découvert le contraire? Vous vous croyez fort, invulnérable dans le domaine moral? Êtes-vous tombé? Vous étiez sûr d'être ferme et inébranlable dans votre vie de disciple? Y a-t-il eu éclipse? Vous pensiez avoir une foi toute épreuve? Avez-vous des doutes? Regardez ce qui est arrivé à Pierre et aux autres disciples. Au lieu de veiller, ils dorment et Jésus doit leur dire « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi ?» Quelle défaite, quelle triste réalité! Plus tard, nous lisons cette phrase pathétique. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Cela paraît incroyable, et là c'est pourtant la triste réalité. Et le héros, qui prétendait donner sa vie pour son Seigneur, accompagnez-le. Pierre suit de loin, il entre dans la cour du souverain sacrificateur, il se chauffe au même feu que les ennemis de son Seigneur. Il veut suivre les événements. Alors, subitement une servante l'interpelle. « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth ?» Et sa réponse? Tenez-vous bien, femme, je ne le connais pas. Une fois, deux fois, trois fois, alors le coq chante une seconde fois. Quel bonheur que l'histoire ne se termine pas ici, mais continue. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre étant sorti, il pleura amèrement. Amis chrétiens à l'écoute, vous étiez peut-être comme Pierre, plein de foi. Comme lui, vous vous êtes mis à marcher sur la mer agitée. Vous avez marché un bout, peut-être un bon bout. Mais à un moment donné, il y a eu manque de foi. Le vent était plus fort que votre foi et vous vous êtes enfoncé. Faites comme Pierre a fait, criez, « Seigneur, sauve-moi !» Vous vous êtes laissé emporter par l'orgueil et vous avez chuté. L'Écriture dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Avez-vous présumé de vous-même, fait de belles promesses, et vous voilà assis en compagnie des moqueurs? Jésus vous regarde. Levez-vous, sortez de là. L'avez-vous renié par votre vie, votre conduite? Vivriez-vous même dans le péché? Il y a solution. La voici. C'est celle que proposent les paroles de ce beau cantique très connu. Tel que je suis, sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Je vous quitte pour aujourd'hui en vous laissant une merveilleuse promesse que vous trouverez dans la Bible, dans le prophète Ésaïe, au chapitre 42, verset 3. Il ne brisera point le roseau froissé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume encore. Croyez-le pour vous-même.